D'abord, très bon début de soirée en plein cœur de Louviers. Il est précisément 18h. Tout de suite, un nouveau flash d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Les prix moyens à la pompe de tous les carburants ont baissé la semaine dernière selon les chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le gasoil, qui est le carburant le plus vendu en France, s'affichait en moyenne à 1,48€ le litre la semaine dernière, soit 3,10€ de moins que la semaine précédente. Le super samplon 95 a chuté de 5,88€ et le samplon 98 de 5,54€. Les cours du pétrole ont nettement baissé depuis le début du mois d'octobre. La grève contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale à l'appel de tous les syndicats a été suivi par près de 10% des enseignants, selon les chiffres du ministère communiqués à la mi-journée. De leur côté, les syndicats estimaient le taux de grévistes à un quart dans les écoles maternelles et élémentaires et près de la moitié dans les lycées et collèges. Des manifestations sont prévues dans les grandes villes. Les syndicats des fédérations FSU, CFDT et UNSA ont appelé à la grève dans le public et le privé pour réclamer l'annulation des suppressions de postes prévues dans le budget 2019. Ariane Group va supprimer 2300 emplois d'ici à 2022 en raison de la fin du développement d'Ariane 6 et d'un contexte européen défavorable. Cette réduction d'effectifs qui vise à éviter un plan social est accompagnée d'un plan de compétitivité touchant tous les domaines d'activité de l'entreprise, a indiqué la direction en précisant qu'Ariane Group emploie actuellement 9000 personnes en France et en Allemagne. L'armée israélienne affirme que plus de 80 roquettes ont été tirées en direction de l'État hébreu depuis la bande de Gaza au lendemain d'un accès de fièvre menaçant les efforts pour empêcher une nouvelle guerre dans l'enclave. Le ministère de la Santé gazaouien affirme que 2 civils palestiniens ont été tués et 3 autres blessés. L'armée israélienne a indiqué pour sa part qu'un bus israélien avait été atteint par un tir en provenance de la bande de Gaza. Enfin, l'attaquant Alassane Pléa est convoqué pour la première fois en équipe de France pour pallier le forfait d'Alexandre Lacazette qui devait lui-même remplacer Anthony Martial pour le match contre les Pays-Bas vendredi en Ligue des Nations. Et les forfaits se succèdent pour Didier Deschamps. Benjamin Mendy a jeté lui aussi l'éponge pour les prochains matchs des Bleus et Ferland Mendy est convoqué pour la première fois. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. De nouveau sur Espace pour commencer cette deuxième heure, Silk City, et maintenant Bad Bunny featuring Drake avec Mia sur Espace. L'After School d'Espace. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, yeah, yeah, yeah, bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, yeah. Nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía. Like. que tú eres mía. Instant avec Electricity. Bienvenue à bord. Bon début de soirée, les petits loups, que vous soyez en Normandie ou en Picardie. Demain, on rejouera pour les Passants Romains. Mais qu'est-ce qu'on a comme appel pour ce jeu? À chaque fois, à chaque année, on n'en a pas assez. Mais on en redemandera encore plus l'année prochaine. Donc, il faudra jouer demain entre 17h et 19h, notamment au 09 150 35 50 50. Pour l'instant, 18h10. Dans 3 minutes, ce sera Georges Ezra avec Shotgun. What I mean.

Bienvenue chez vous, belle soirée. Tout de suite d'Orion à 18h20 pour la sélection Espace. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, excellent début de semaine. C'est lundi le 12 novembre et c'est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen, à l'échelle inconnue des 19h, nature, impact et géostratégie de l'intelligence artificielle. C'est une grande conférence et à 19h30 à la Halle aux Toiles, une transformation sans condition. Et puis également, vous le savez, sur l'esplanade Saint-Gervais jusqu'à dimanche, la foire Saint-Romain, il vous reste une semaine pour profiter de tous les manèges. Et au Zénith de Rouen, un programme assez chargé avec demain, Jean-Marie Bigard sur scène avec son spectacle « Il était une fois Jean-Marie Bigard ». Mercredi, ce sera Laurent Gérard. Jeudi, Dadju. Et dimanche, Big Flo et Oli en spectacle et en concert surtout. Et puis, vous avez rendez-vous ce samedi du côté du Grenier à sel d'Honfleur pour le spectacle « Enfance et partage ». On vous y attend nombreux. Plus d'infos, www.ville-honfleur.com. Et pour finir, aux Andelys, ce samedi 17 novembre, la 5e brocante jouée organisée par l'asso Aide Mon Projet. Laissez-nous vos messages au 0 950 35 50 50. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à ma tête la fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Mais tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder, bom, bom, bombarder. T'es barré, mais t'en veux encore. Toi, tu crois viser dans le mythe. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Et tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombarder. De Aya Nakamura avec Copine dans l'After School d'Espace aux Andelys. Bonne soirée tout le monde, comme à Évreux aussi, dans toute l'agglomération Évreux Porte de Normandie. 18h25, maintenant je vous envoie 5 minutes de son 80 en mode funky mix. Ludo on the radio. Espace funky mix. Funky mix. Funky mix. New York, Philadelphia, London, Chicago, Paris, Roma, Minneapolis, Funky Roots are all in Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. Thank you. Funky Mix. Espace. Madonna Holiday sur Espace, 18h30. Tout de suite, on retrouve la rédaction locale et régionale pour un nouveau flash. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Des annonces gouvernementales devraient être annoncées avant mercredi concernant la hausse des prix du carburant, mais déjà des automobilistes appellent à manifester samedi prochain en bloquant des routes, notamment à Beauvais ou encore dans toute la Normandie. Plusieurs dizaines de blocages sont d'ailleurs recensés. Alors, en prévision des problèmes de circulation, la Ligue de Normandie de football reporte ses rencontres devant se dérouler ce jour-là. Et puis, l'Assemblée générale annuelle de l'Association des maires de la Seine-Maritime est reportée à février prochain. 718 maires et 20 présidents d'intercommunalités devaient se retrouver samedi à Rouen. Les syndicats enseignants appelaient à une journée nationale de grève. Aujourd'hui, ils protestaient contre les réformes du lycée, de la voie professionnelle ou encore de l'orientation, mais surtout de la suppression de 2650 postes dans les collèges et lycées publics. 700 personnes se sont réunies à Rouen et 300 au Havre. Des rassemblements ont eu lieu aussi à Évreux et Beauvais. Une centaine de postiers ont manifesté également à Rouen aujourd'hui pour protester contre la suppression de 13 tournées et donc de 13 postes et l'étalement de la distribution toute la journée. La jeune femme âgée de 23 ans, originaire de la Mairesse-sur-Seine, qui séjournait depuis septembre en Bulgarie à la faveur d'un échange d'un an avec l'université de Sofia dans le cadre du programme Erasmus, se serait suicidée selon les autorités bulgares. L'étudiante normande avait été retrouvée pendue le 2 novembre dernier dans un passage du centre-ville de Lovec, localité où elle avait fait la fête avec ses amis dans un bar-discothèque le soir de sa mort. Dans une lettre qu'il va adresser aux habitants, Jean-Pascal Levé, maire de la commune nouvelle du Mesnil-sur-Iton depuis mars 2014, annonce sa démission. L'enseignant à l'école Notre-Dame de Louviers indique que sa gouvernance ne convient plus au conseil municipal. Jean-Pascal Levé précise toutefois qu'il restera conseiller municipal et souhaite conserver son mandat de vice-président de l'Interco Normandie Sud-Eure. La commune nouvelle de Mesnil-sur-Iton regroupe Condé-sur-Iton, Danville, Gouville, Mantelon, le Roncenay-Hautenay ou encore le Sac. Plus de 1000 maires en France ont déjà choisi de démissionner depuis 2014. Une enquête menée par le Secours catholique montre que la pauvreté ne recule pas en Normandie, mais que les demandes auprès de l'association ont évolué, Solène Duloup. Exemple, avec les aides liées au paiement des factures du logement, ces demandes ont augmenté de 4% entre 2012 et 2017 pour atteindre 30% de l'ensemble des demandes, précision de Bernard Préval, vice-président de l'association dans le département de l'Eure. Le logement coûte de plus en plus cher, pas tellement au niveau du loyer, mais vieillissant et pas isolé, donc posant des problèmes de coûts de chauffage importants et de pas de perspective au niveau du relogement dans des logements plus décent, quoi. En particulier, le sud et l'ouest du département est quand même bien marqué. Et en milieu rural, les bénéficiaires du Secours catholique ont plus de mal à faire valoir leurs droits pour des aides auprès des administrations. Pour deux raisons. C'est à la fois les problèmes d'accessibilité et de mobilité des personnes et aussi les problèmes on demande beaucoup des gens par Internet et c'est pas toujours évident pour des personnes. Il suffit pas de dire vous avez l'ordinateur, vous pouvez y aller. Le Secours catholique va bientôt affréter un minibus pour partir à la rencontre des populations rurales isolées. Sachez que 38% des demandes des 5000 bénéficiaires du Secours catholique dans l'Eure concernent encore l'aide alimentaire. Un reportage de Solène Duloup et tout de suite un point sur la météo. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, à part quelques gouttes de pluie en matinée, ce sont des éclaircies tout au long de la journée. Le thermomètre à 12 degrés à Saint-Jean ou encore à Gournay-en-Bray dans l'après-midi dépassera la barre des 13 degrés sur Le Neubourg, Beauvais, Gisors ou encore 14 degrés sur Pont-Audemer, Louviers et Rouen. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne, j'ai 9 à 10 degrés maximum dans les deux régions. Indice de l'air nickel, j'ai 3 sur 10. On attaque cette nouvelle demi-heure avec l'excellence Prince Karma, Later Bitches sur Espace. Bitches. I'm

like a crush. Where did love go when all is said and done? Where did love go? You put the running into.

Croquez-nous, Léa Salamé, stupéfiant, nous propose une spéciale Jacques Brel. France 3, Thalassa, nous allons nous balader du côté des Hauts-de-France ce soir entre Boulogne et Calais, les aventuriers du Détroit. Canal, le bureau des légendes, l'une des meilleures séries, si ce n'est la meilleure série française de ces 20 dernières années, je suis super fan. Arte, Tori Herman, c'est une comédie dramatique autrichienne et allemande en même temps. Ça risque d'être un petit peu tendu, hein. C'est l'histoire d'un sexagénaire excentrique qui, à la mort de son chien, décide de partir rejoindre sa fille à Bucarest, sauf qu'ils ne sont pas super proches. M6, L'amour est dans le pré, ça envoie des bombes, hein. Ça devient presque insupportable. J'ai l'impression de regarder une émission pourrave de télé-réalité sur Énergie 12 ou W9. Hein. Je ne sais pas si ça vient des candidats ou des prétendants et des prétendantes, mais le level est un petit peu haut cette saison. Le meilleur de la TNT, C8, Mélenchon est-il vraiment un insoumis? C'est un inédit. TFX appelle d'urgence toute la soirée avec un inédit en première partie de soirée. Accident et urgence vitale, mission tout terrain pour le SAMU de l'Ain. Voilà, ça rime en plus. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 40 19 90. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. 19h d'Orient, l'Afterwork. 21h, Funky Mix avec Manu. Je vous embrasse, passez une très belle soirée. Rencard, on va partir demain dès 17h. Voici Lita Ava avec Locomotion. Everybody's doing a brand new dance now. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le lundi 12 novembre, il est 19h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Exit les véhicules les plus polluants. Les élus de la métropole du Grand Paris ont voté l'interdiction des véhicules diesel immatriculés avant le 31 décembre 2000. Ainsi, la métropole du Grand Paris deviendra à l'été 2019 une zone à faible émission. Cette zone sera installée à l'intérieur de l'A86 à compter du 1er juillet pour les véhicules classés critères 5 et non classés, a annoncé la métropole sur Twitter. Ce périmètre concernera 79 communes sur les 131 de la métropole du Grand Paris, soit 5 610 000 habitants. La grève contre les suppressions des postes dans l'éducation nationale à l'appel de tous les syndicats a été suivie par près de 10% des enseignants selon les chiffres du ministère à la mi-journée. De leur côté, les syndicats estiment le taux de grévistes à un quart dans les écoles maternelles et élémentaires et près de la moitié dans les lycées et collèges. Des manifestations étaient prévues dans les grandes villes. Les syndicats des fédérations FSU, CFDT et UNSA ont appelé à la grève dans le public et le privé pour réclamer l'annulation des suppressions de postes prévues dans le budget 2019. Ariane groupe va supprimer 2300 emplois d'ici à 2022 en raison de la fin du développement d'Ariane 6 et d'un contexte européen défavorable. Cette réduction d'effectifs qui vise à éviter un plan social est accompagnée d'un plan de compétitivité touchant tous les domaines d'activité de l'entreprise, a indiqué la direction en précisant qu'Ariane Group emploie actuellement 9000 personnes en France et en Allemagne. L'armée israélienne affirme que plus de 80 roquettes ont été tirées en direction de l'État hébreu depuis la bande de Gaza au lendemain d'un accès de fièvre menaçant les efforts pour empêcher une nouvelle guerre dans l'enclave. Le ministère de la Santé gazaoui a affirmé que 2 civils palestiniens ont été tués et 3 autres blessés. L'armée israélienne a indiqué pour sa part qu'un bus israélien avait été atteint par un tir en provenance de la bande de Gaza. Enfin, l'attaquant Alassane Pléa est convoqué pour la première fois en équipe de France pour pallier le forfait d'Alexandre Lacazette qui devait lui-même remplacer Anthony Martial pour le match contre les Pays-Bas vendredi en Ligue des Nations. Les forfaits se succèdent aujourd'hui pour Didier Deschamps. Après Alexandre Lacazette, donc Paul Pogba et Anthony Martial, Benjamin Mendy gèle lui aussi l'éponge et Ferland Mendy est convoqué pour la première fois pour le remplacer. Sur la plus normande des radios, Dorian. C'est parti pour l'after work. On se détend après une belle journée de boulot. Espace, plus de son, plus de tubes. Le premier after work de cette semaine commence maintenant avec Martin Garrix et Bonne. Voici High Time Life. Belle soirée. Feel the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. High on life till the day we die. High on life till the day. Fingers out of sight. How could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. High on life.

fell in love, we used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh no, your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun all set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away. Starting to light together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10:23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we ride, through the back streets in a blue Corvette. I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away. Starting to date, start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run out. C'est nouveau dans la prog espace, ça vient tout juste d'arriver. Benny Blanco, Inside, pour vous en exclusivité dans l'Afterwork. Bonne soirée, bon retour chez vous, soyez évidemment prudents sur les routes. Et puis le 23 novembre sur Espace, énorme journée. Vous avez rendez-vous le matin avec Cédric qui sera en direct de la Ludo-Médiathèque communautaire des Trépanis. Et puis le soir, 19h-21h, je vous retrouverai en direct avec Louis et Mickaël pour l'Open Show 3. Pour l'instant, 19h19, voici notre sélection du jour. Le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, excellent début de semaine. C'est lundi le 12 novembre et c'est reparti pour une nouvelle sélection espace avec ce soir à Rouen, à l'échelle inconnue des 19h, nature, impact et géostratégie de l'intelligence artificielle. C'est une grande conférence et à 19h30 à la Halle aux Toiles, une transformation sans condition. Et puis également, vous le savez, sur l'esplanade Saint-Gervais jusqu'à dimanche, la Foire Saint-Romain, il vous reste une semaine pour profiter de tous les manèges. Et au Zénith de Rouen, un programme assez chargé avec demain, Jean-Marie Bigard sur scène avec son spectacle Il était une fois Jean-Marie Bigard. Mercredi, ce sera Laurent Gérard. Jeudi, Dadju. Et dimanche, Big Flo et Oli en spectacle et en concert surtout. Et puis, vous avez rendez-vous ce samedi du côté du Grenier à sel d'Honfleur pour le spectacle Enfance et Partage. On vous y attend nombreux. Plus d'infos, www.ville-honfleur.com. Et pour finir, aux Andelys, ce samedi 17 novembre, la 5e brocante jouée organisée par l'asso Aide Mon Projet. Laissez-nous vos messages au 0 950 35 50 50. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. Un triste passe en son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. J'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Tout oublier.

son de Shawn Mendes pour vous ce soir dans l'Afterwork. C'était Lost in Japan. J'espère que tout va bien. Passez une très belle semaine. Il est tout juste 19h26. Bonne soirée. La plus normande des radios. En mode souvenir. Écoutez. Espace. Tout juste 19h26 en Normandie, en Picardie. Bon lundi soir et vous avez rendez-vous du côté des Anglis ce samedi 17 novembre pour la 5e brocante avec l'association Aide Mon Projet. Avec Noël qui approche, c'est le meilleur moyen de trouver de bons cadeaux. Pour l'instant, passe en mode souvenir. Voici Serena et Umberto Tozzi, c'est toi tout sur Espace, bonne soirée. Qui vient tout contre moi quand la vie me désavoue? Ta douceur et ta joie, j'en ai gardé le goût. Ton sourire brûle en moi comme le soleil sur ma joue. Il n'y a rien de plus doux, pour toi je suis prête à tout. Contiamo le médaille, un lavoro strano et tout. Ma va là, que lo sai. Vista da vicino tu, sei più bella che mai. Baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai. Chi ti ha fatto entrare tu? Tu te tiens près de moi, comme un premier rendez-vous. Si tu me donnes tout, je pourrais te rendre fou. Ma lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone. Voiture en ce moment, ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs. Serena et Umberto Tozzi avec toi tout sur Espace en Normandie, en Picardie. Passez une bonne soirée, soyez prudents sur les routes. Laissez nouveaux messages évidemment au 0 950 35 50 50. Et ce samedi 17 novembre, rendez-vous au Casino de Bon Secours pour un match d'improvisation théâtrale avec la Gifle. Pour l'instant, 19h30. Voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Un homme de 29 ans est décédé aujourd'hui après avoir été enseveli sous la terre dans une tranchée lors de travaux de terrassement chez un particulier à Arcanville, près de Douteville. On ne connaît pas encore les circonstances du drame. En fin de journée, un camion citerne qui transportait des matières dangereuses s'est couché sur l'autoroute A29 entre Bolleville et Bermondville. Le chauffeur du poids lourd doit être désincarcéré. Une équipe spécialisée en sauvetage des bléments a été appelée sur place. Des déviations sont mises en place. L'autoroute est actuellement fermée.

Too many times I seen man down. More reasons to be grateful, yeah, yeah. Oh my, my, yeah. I mix that waist with the rhythm, with just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Et qu'importe le vent, et j'avance en titubant. Oui, j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit. Oui, j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala. Me dis que toi aussi. Me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala. Me dis que toi aussi. Close.

Pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui cogne, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Pour oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour fuiter en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds. Y'a pas d'heure, je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui cogne, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces, sans les jeux de baise à la ramasse. Il me manque ce petit tac de sursoi pour que ça marche. En attendant, je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Je crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup, je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui cogne, J'ai pas compris les codes. Exclusivité ce soir dans l'Afterwork. Je suis le premier à vous le passer. Eddie Depreto, Random sur Espace. Merci d'être là, bonne soirée à tous. Et bon courage évidemment à ceux qui taffent ce soir et cette nuit. On est bien sûr de tout cœur avec vous. Et je vous en parlais il y a quelques minutes. Atelier radio du côté de la Ludomédiathèque communautaire des Trépanis avec Espace. Ce sera le 5 décembre. C'est ouvert à tous et vous pouvez déjà vous inscrire au 02 32 27 91 54. Pour l'instant, à 19h51, on vous envoie un message provenant de Dangu. Écoutez. Comité des fêtes de Dangu organise à la maison du village une bourse aux jouets et vêtements de ski le dimanche 18 novembre de 10h à 17h. Pour les exposants, chaque table de 2,40 m environ est proposée au prix de 8 euros. Vous pouvez réserver votre stand au 06 11 64 18 41 pour la bourse aux jouets et vêtements de ski dimanche 18 novembre à Dangu. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, yeah. Tus ojos me concentran como Adderall, yeah. Contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de ir, yeah. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, brr, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Dile que tú eres mía de tela, el yerno favorito de tu mic, el casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera pa' recortar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera, yeah, yeah. Todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Dans la prog, décidément, ça ne s'arrête plus en ce moment. Bad Bunny et Drake avec Mia dans l'Afterwork. Passez une bonne soirée. Et si vous êtes chez vous en ce moment, détendez-vous. Ça y est, l'école et le travail, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, on se repose avant de repartir dès demain matin. Et le vendredi 23 novembre, à la salle des fêtes de Gournay-en-Bray, One Man Show de Noom Diawara, avec son spectacle Mon ex avait raison, vous pouvez déjà réserver au 02 32 89 53 80. Pour l'instant, 19h55, voici David Leroy pour la prog télé de ce lundi soir. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 12 novembre. Ce soir sur TF1, attention mes amis événements, c'est un inédit de Joséphine Ange Gardien. Et ce soir, elle nous propose un retour vers le futur.